μετά τσουκώνε ρε ναι. J'ai dans le bloc, j'ai tout mis en bloc, j'ai niqué ma grégousse. Je l'ai mis dans le coffre, y'avait les coffres, j'ai roulé un pétou. Évidemment, moi je veux ma part, j'y vais ganter. Toujours le même, j'ai pas changé. Tu dois des sous, je viens sans gêne. On peut t'éteindre à des montagnes. Y'a pas de bébé, na bébé. J'ai caché les bails chez la nounou. Vous êtes 10 pour venir, j'ai mon sac à dos et mon joujou. On s'en fout rien. Bébé, j'ai caché les bails chez la nounou. Vous êtes 10 pour venir. J'ai mon sac à dos et mon joujou. On s'en fout, hein.